Déception. Pasina motema ya moto akangi maboko. Hena bungisi motema moko na lingaki. Na promenade des Anglais. Pene ya ri des amoureux. Banza kanga ina ele kono mama tiye. Thank you. Mami, ozo bosa na le passé na yo. Ozali nzete o ezanga misisa. Bani bani bolingo, oyanga ninga lelo. Dalanza donanga, ezangi mayi ya baboyi. Longola mpili, ya bolingo oyo nalaka. Zamba ya tongo, na keiko luka nyamana lianza la eleki. Mérite yanti mananga. Romango wangashi na kofunda epa ya Rose Mutanganga, le premier de l'école. Nalela Zandoni ni bakote kakabolingo atana motuya ya mozole ya likanga. Epa iwa biba kote kaka bolingo atana motuya ya temple ya Artemis na Efes. Set merveille di monde o. Zameni ni bako samela kampo oswa bolingo ofele. Boni boni bolingo, oyanga ninga lelo. Talanzo tonangai, ezangi yo DJ. Dick Chamar, Fiesta Macambo, Bana Sefa. Compagnon, Moninga, Moninga, Compagnon, DJ Di Blanche, Parapala, Moninga, Mani, Parapala, le juste prix. Par un, choisissez, dépasse Moninga, témoin, poète, yo bala, de yo pesa kimbundi. Par deux, choisissez, Moninga, Chamar, Chami, poète, Bobima, la bafette, il est là. Bizanga tika utala, nzisi makengo utala, Mela kanda utala, mfwandu bayekula utala, Luisa lutala mwane. Guema, Sisi Guema, attends un jour, I kiss you, Laura, Laura, la petite aux yeux bleus. Rocky de 4, Roberto Matutala na Pingale. Les rois t'embrassera trois fois. Ma banda Feli Misolina Yatedi Kintzala Jean-Jacques Kilwa Ilunga Kalonda Sadami Sene Yenga Yenga Yenga Yenga Yenga Yenga Yenga Yenga Dans la cale ciel Yo Orfeo Negro Oko Mona Mizoto Sanza Yenga Dalaka horizon, Laura Tukatio. Oh, comme on a ma pata et sobe, sinami. Oh, yeba ete, kawe azalio. Yeme ya ke la bolingo kone gijete. Eh, Ali no bula, yoka melope na katia melope. Pascal et Maria. Une seule fois quand les coquets chantera. Yenga yenga yenga yenga la blameniloise. Yenga yenga yenga na isami. Dans ce village au beau rivage. Oh comment na tima ya moto alinio. Sera trois fois la la la la la la la la la la Laura la blanc méniloise. Tu fais des gros bisous à Stevie hein. Eva la suédoise, Debs Nakundi, Nakata Stockholm, Claude Ntissi, Dan Itua, Nadia Gache, en direct de Coco Gache. Raph Mundizo, Clovis Masamba, Bosco Ondongo, Papa Naël. Molly Chambombo, Le Sac on a Chantal Malenga, Bison Manana, Te Yoko Yoko, Pesa, Pesa. Merci bien. I love you forever. Kosenko. Menade des Anglais, Koya na yo kutu teo. Sayayi! Bonyo kopi manga bolingo mama, Olingi otikanga wakende mosika. Itanga mananga bongo, Mwasina mobali, Oyanga ina pusa koloto yo mama. kwa nzambe na katedral Boni lelo kopesanga mokongo bongo Boni lelo kopesanga imokongo somaso Koko Gatier mwanango na bundi Brigitte Gatier na atolo Sokyo boinga lelo mape Sokyo tikinga ya wambasi Nakomela poisona kufa Kona kolingo ya mondeke koko Bongo kumbanga mboko tamakala o la prison La prison Poison a kufa et hey man. Sokyo boinga lelo mabe. Papi Jacques Lalo. Sokyo tikinga ya wampasi. Willy Bongo la komela poison a kufa. Iko tanzami. Kona bolingo ya mondeke koko. Adana mwisi. Bongo kumbanga mboyo kota makala o la prison. La prison. Champagne kakampamba Bakampo na bossa na rondos Milan trife la siliki Insomni beba yoho Jerio mondele yoka Epitre mbemba Ezali bongo très suspect Selema Touba Baron Mwananjeli Claude Spectors Choco, Timololo, Timololo, Achiko Mulele, Parigo, Mililo Bianco, Bolingo Nayo, et Kondisi Naizoto, Naina Tangwe, Serge Moulasi, et Loko Kondo Bolingo Namote Manako Panza, Souci et Dondolo. Evelyn Angongolo, mille pattes, Pepe Akunji. Oyebi Keza Grave, Eric Shella. Bolingo na yo, e kondi singa in soto. Marie Pauline Nkana Bokende na keina Tiki yo mapanzo Ngai moko na yebi Chantal Makululu Elo konkomba monsolo Na luka se malembe Na somberu nina yo Yeah. Na fungoli motema nanga po ingela Woyo ya ya munga pena kota Sima okumangala mokongolo kula bebe Nga pena lata na lokolo jime westone L'amour est comme la finale Ya mariage Ayo lele Moninga Namesana na solo na ya yanzato Moninga Motoki na ya parfait na nga Oya sambo Simanga na lopaka na promenade En tenue correcte Tenue exigée na grand monde La mode n'est pas la délinquance Plutôt la beauté d'un mec Paris c'est la mode La mode, la vraie mode Hey mama Confirmation de l'élégance, souplesse dans auto mama yeah, yeah, yeah. Vérité koye bana mokola mariage Mata basula akobasuka ce soir là Ambassadeur de l'élégance à cause à la présent Arbitre ako sifflé na point zéro Jacques Moulet la cotranche n'a fait à épreuve en tenue correcte Exigé la grand monde La mode n'est pas la délinquance Plutôt la beauté d'un mec Paris c'est la mode La mode, la vraie mode Et maman Confirmation de l'élégance Souplesse dans auto Maman yeah, yeah, yeah. Luiso Moukoko Eric Kenzo, bienvenue Masoudi. Sama Tone, Anise Pedro, Daouda Babou, Soraya Elegance, La Tadi, Beni Correct, Adida Kese, Roi Mabina London, Jean-Willy Mota. Basouzi Amola Toba Katili Kamboe, Bakatili Kambo, Soirée à l'élo. Exigé a confirmé importance oya événement na mariage mère et malou madame en poto somon ye ye ye luke bubangi mais c'est Dolce Gabbana j'y l'ai sorti et mac manager Ibrahim Chako dit-il dans son firme avantage Dumba Masikini Bijan Colombo Molokaye Bazele ya quartier Teni correcte La soirée à l'élo Teni correcte Papa Wemba Teni correcte Gloria le grand Bouloukoutou Teni correcte Redi Amissi Nassino Moubi Teni correcte Na grand monde Teni exige au bout Voilà ça passe Teni correcte Nico Nzaou Teni correcte Capitaine Germain Gobila Teni correcte Roger Sunga Teni correcte Bana Paris Teni exige au Congo Teni exige au Silvim Bala, Jerry Mazone. Matete, Claude Versas, Ari Janae, Poulou, Poupa Mato, Marius Lufuma, Tike Kalukemba, Polidore Onema. Wapide Mukuse, Groupenien, Ogi Ibanga, Yapatie, Jules Maswa, Nzete ya Sekoya. Ize Ize, Mwana ya Paris, 5 ans de silence. Troca de roue. Oh, bien qu'on les blancs. Rendez-vous yanga na yo ya élégance. Yele pami kuna mputu we mama. Bien va Mendesi, Franky Sekia, Jerry Masele, bon voyage. Les passagers de Sibézaïr à destination de Paris sont priés de se présenter au guichet de Merci. Sibézaïr, Paris Ukino Kaksama, Nibanguchini Okoskudasa, Arigato Gozaimasta. Nelly Mosei, Zaki de Zaki, Didier de Maf. Tomo nana. Koko monana ni susu, nate imo bembo, napoto mondele, sima ya mwa mikolo, on se reverra. Kota Salje le Château, Saint Nicolas que dia musico Cliff. Delibora mo koloni ni yoko sali sanga Protokole emeri bolongo boye bisa ijibel Didier Biblo se mo koloni ni toko monana Jean-Jacques Loire Béa Daki Biongo mo kolo yango Bogi Ibanga Kiko Pumanzela Oya Indona Yete Kino Tongo Etanela Yena Lopango Ya Mama Jackie Maria Jackie Maria Mpea Koya Oma Ibe Bina Koya Ani Kule Mampasia Koya Demu Koko British Koya Autour d'un bon verre Ya Maracuja Na Inter. Jean Jean Yoka. Ladies and gentlemen, we are now in Paris. Thank you. Sarangadi Telefone eleli, mama Rosa zui sango. Yami kili yampoto toko luka kaka falanga. Mbongo oyo oh, oh, oh, onde koya libelo. Ami wo wo wo, bamona ki yonanganda ya Beverly Hills, ani kule akanga kiyo e. Ani wo wo, ani wo wo wo. Bonzinga mi loboko na loboko, mwasi ya mobulu abomba kama kwele te. Suka se babo ya ye. Donne Kumbi que findenga Radio Panique Cadence Tropicale Chris Luz Albertoni Winetuchiwa Edoxi GG Photo Joël Photo Yoka Petrus Paulusi, quartier des ambassadeurs. sonise bonga saki o boinga na sambwe de kwa mwesi poko sambo ate bona pariko mibali pe bazalia neti luzo mkoko ha ha yalo bebe munanga na vivi kelie otale langa ipe paka Mutende buiko kele mama Bakento bakulu bonga bonga bitunga Kwelu kwenda etoke ina pari Kuluka mwasi ya kimilibara Ngai mikiliste weplo Bayanga ninga lelo Fredi ya tsunami Bayini nga loko la mwana Aina kalibele oyo ya mama na ye Sita weplo konsole Susuzole buiko kele mama Serisete batoni toni kuna kinshasa Okei wapio koluka mwasi tubana Ya ufele ufele teo